Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la traque de Théodore Kaczynski, plus connu sous le nom d'Oula Bomber, un homme qui fut tout à la fois qualifié de terroriste, de révolutionnaire, de serial killer, de génie et de malade mental, tout ça pour le même prix, celui de la prison. De 1978 à 1995, cet Américain nargue le FBI au cours de l'une des chasses à l'homme les plus longues et les plus chères de l'histoire du célèbre bureau d'investigation. Pendant 17 ans, Oula Bomber envoie des colis piégés meurtriers depuis sa cache, une petite cabane isolée dans le Montana. 16 bombes au total. Bilan, 3 morts et 23 blessés. Ses victimes, des universitaires, des scientifiques, des informaticiens ou des salariés de compagnies aériennes, autant de responsables, selon lui, des désastres causés par les technologies. Dans La société industrielle et son avenir, un texte publié juste avant son arrestation, Théodore Kaczynski explique que le progrès technologique mène l'humanité à sa perte et doit être totalement éradiqué, quitte à recourir à la violence. Le seul espoir pour Oula Bomber, c'est l'effondrement de la société moderne et le retour à la nature. Des idées que son mode d'action a longtemps rendues inaudibles, mais qui aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique et de l'addiction aux réseaux sociaux, résonnent tout particulièrement. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Apostolides, professeur émérite à l'université Stanford. Il a été le premier à traduire le manifeste de Théodore Kaczynski en 1995. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. J'aimerais que vous réfléchissiez à notre système postal pendant une minute. Un bout de papier peut traverser un continent aussi facilement que les mots qu'on se passait en classe. Si on vous livre un paquet avec votre nom dessus, vous n'envisagez pas de faire autre chose que d'obéir. Novembre 1979, trois bombes artisanales explosent successivement à l'université de Northwestern, près de Chicago, sur un campus du Michigan et dans la soute d'un avion de l'American Airlines. Trois colis piégés à l'explosif qui ne font ni mort ni blessés graves, mais pour le FBI, une certitude, les trois affaires sont liées. À chaque fois, l'explosif est caché dans une belle boîte en bois faite main, soigneusement poncée. L'artillerie, un assemblage savant de matériaux recyclés, légère mais intelligemment conçue. Disons que c'est là l'œuvre d'un amateur averti. Une enquête est ouverte sous le nom Oula Bomber. UN, UN pour University, A pour Airlines et BOM pour bombe. Au début des années 80, une dizaine d'attentats du même type vont suivre. Heureusement, toujours sans victimes, ni dégâts majeurs. Le directeur d'une compagnie aérienne, la secrétaire d'un professeur d'informatique, un enseignant en ingénierie électronique de Berkeley, tous appartiennent au milieu universitaire et scientifique ou à celui de l'aviation, et tous vont recevoir des colis piégés sans que le FBI ne parvienne à identifier l'expéditeur. Car la personne qui envoie les colis se montre extrêmement minutieuse et chacun des petits morceaux de bois ou de métal qui composent ces engins funestes semble soigneusement nettoyé. Les timbres sur les paquets sont collés grâce à un mélange d'eau et de sauce soja, pas de salive donc, pour identifier le coupable. Juin 80, octobre 81, mai 82, juin de la même année, les attentats se succèdent et l'enquête n'avance pas. Jusqu'au drame de 1985, 7 ans après le premier colis piégé. En mai, un jeune ingénieur de l'université de Berkeley perd un œil et 4 doigts dans l'explosion d'une bombe cachée dans un classeur. C'est le premier blessé grave, victime de l'introuvable Oula Bomber. La même année, en décembre, le propriétaire d'une boutique d'informatique de Sacramento meurt, lui, le cœur percé par les éclats d'un colis piégé caché sur sa place de parking. Dans les débris autour du corps, les enquêteurs retrouvent un bout de métal gravé avec cette inscription FC comme Fuck Computers. Peut-être, vu que Oula Bomber destine ses bombes à des professionnels de l'informatique. En 87, une employée aperçoit un homme déposer un mystérieux paquet dans le magasin d'ordinateurs où elle travaille. Dans la même journée, son patron est grièvement blessé par l'explosion du colis. C'est le premier faux pas du mystérieux terroriste. Son portrait robot recouvre bientôt les murs de tous les États-Unis. Une moustache, des lunettes de soleil, une capuche masquent son visage. Mais le FBI sait désormais qu'il s'agit sans doute d'un homme aux cheveux blonds, disons entre 30 et 40 ans. Mais Ona Bomber disparaît de la circulation. Et ainsi, pendant 7 ans, il va garder le silence. Jusqu'en 1993 et ses deux nouveaux attentats. Le docteur Epstein, un chercheur en génétique à l'université de San Francisco, avait fait des découvertes sur la trisomie 21. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun lien entre l'attaque et le travail du professeur. Un colis piégé a explosé à 8h30 au centre informatique de l'université de Yale. Un maître de conférence de 38 ans ouvrait son courrier dans son bureau du 5e étage quand la bombe a explosé. Ces deux attentats, survenus cette semaine, font craindre le retour d'un serial bomber déjà accusé d'une série d'attentats dans les années 70 et 80. Le généticien Charles Epstein et l'informaticien David Gelandner vont tous les deux survivre à l'explosion des colis piégés qui leur ont été envoyés. Mais cette issue heureuse ne change rien. En 1993, après 7 ans d'absence, celui que les médias américains appellent Ona Bomber est de retour. Mais il semble avoir changé de mode opératoire. Désormais, il ne pose plus lui-même ses colis. Non, il envoie ses bombes par la poste, dans des boîtes en bois gravées du signe FC. Et surtout, il fait parvenir des lettres de revendication à la presse, dans lesquelles il se revendique comme anarchiste et écologiste radical. Il y affirme sans embâge sa haine de la société industrielle qu'il entend déstabiliser en s'attaquant à ceux qui en porteraient la responsabilité. Autrement dit, universitaires, scientifiques, informaticiens, mais aussi publicitaires. Tous ceux qui poussent à la croissance et au progrès méritent d'être sévèrement punis, écrit-il. En 1994, un expert en communication est tué par l'explosion d'un engin explosif rempli de lames de rasoir. Une deuxième mort qui va convaincre le FBI de redoubler d'efforts. Comme l'explique cet ancien agent du bureau d'investigation, alors en charge de l'enquête, dans une série documentaire de Mick Grogan, intitulé « Ona Bomber, sa vérité ». Et on a compris l'importance historique de cette affaire. Il n'y avait rien eu de tel dans l'histoire du FBI. Immédiatement, l'enquête a été relancée et des ressources considérables ont été engagées. On recevait tellement d'informations. Et si on manquait quelque chose? Nous vivions avec cette peur, à chaque instant, que la réponse était sous nos yeux, mais que nous l'ayons écartée. Au début des années 90, Ona Bomber est placé sur la liste des criminels les plus recherchés des États-Unis. En échange de sa capture, le FBI promet une récompense $1 million. Une goutte d'eau, cela dit, dans l'océan de moyens mis en œuvre pour cette enquête hors norme, qui dure depuis 15 ans maintenant, et qui mobilise 150 agents. Un travail de longue haleine qui finit par porter ses fruits au milieu de la décennie 90. Car l'analyse des lettres envoyées par Ona Bomber à la presse permet aux profilers, les psychocriminologues, de commencer à établir son profil psychologique. Pour les agents en charge de l'affaire, Ona Bomber, âgé de 40 ans environ, serait un homme solitaire, associable, discret, sans doute mal à l'aise avec le sexe opposé, une personne polie que ses voisins ne soupçonnent sans doute pas, mais aussi quelqu'un d'orgueilleux. Et c'est sans doute cet orgueil qui va mener Ona Bomber à sa perte. Car le criminel aime visiblement faire parler de lui, et il ne supporte pas que d'autres occupent le devant de la scène médiatique. Le 19 avril 1995, Timothy McVeigh, un militant proche de groupuscules paramilitaires d'extrême droite, perpètre ce qui constitue alors le plus grave attentat terroriste aux États-Unis par un Américain s'entend. C'est à Oklahoma City. 168 personnes perdent la vie dans l'explosion d'un véhicule piégé et 680 autres sont blessés. Un attentat sanglant qui entend protester contre l'État fédéral américain qui légifère alors sur les armes à feu. Quelques jours après ce drame, Ona Bomber va réagir à sa façon. Celui qu'on sait vaniteux se montre, en effet, vexé qu'un autre terroriste fasse la une. Tandis qu'un de ses colis piégés vient de tuer un lobbyiste de l'industrie du bois à Sacramento, Ona Bomber envoie une lettre au New York Times. Il y revendique l'assassinat de l'industriel et propose au journal ce qu'il appelle une affaire. « Si vous publiez mon manifeste, réclame le terroriste, j'arrêterai de tuer. » La semaine suivante, en ce mois d'avril 1995, le New York Times et le Washington Post reçoivent effectivement un long texte, 62 feuillets dactylographiés à publier dans les 3 mois. Pour le FBI, c'est du pain béni. 2 agents racontent. The FBI recommendation is that we publish the manifesto. Quand le manifeste d'Una Bomber est arrivé, c'était évidemment une information énorme. Et on savait que ce serait un tournant majeur qui nous permettrait possiblement d'identifier Una Bomber, si on gérait les choses comme il le fallait. On était très favorable à la publication du manifeste, car après l'avoir lu, il était clair que quelqu'un y avait mis une pensée philosophique qui avait évolué au fil des années. On pourrait reconnaître cette pensée. On espérait que quelqu'un lirait le manifeste et dirait « Je me rappelle de ce type, il était assis à côté de moi en cours à telle ou telle université. » Nous nous réserverions le droit de faire, après la publication du manuscrit, un dernier attentat destiné à tuer, écrit Una Bomber dans cette lettre qu'il envoie au New York Times fin avril 1995. Un peu plus de 2 mois plus tard, alors que le FBI analyse minutieusement le manifeste que la presse américaine n'a toujours pas publié, le terroriste envoie une nouvelle lettre, cette fois au San Francisco Chronicle. Là, il entend faire sauter un avion de ligne à Los Angeles dans les 6 jours à venir, annonce-t-il. Alors que les Américains s'apprêtent à fêter le National Day, le 4 juillet, c'est la panique. Les vols en provenance et vers la Californie sont annulés, les colis de plus de 300 grammes retournés à l'expéditeur. Mais le 5 juillet 1995, surprise, pas d'attentat. Non, il s'agissait d'un canular pour ne pas se faire oublier et attirer l'attention des médias. Une manière pour le terroriste autoproclamé comique de rappeler au New York Times et au Washington Post qu'il ne leur reste plus qu'un mois pour publier le manifeste et ainsi stopper la vague d'attentats perpétrés depuis 17 ans. Alors, publier ou ne pas publier ? C'est un véritable débat déontologique qui s'engage au New York Times et au Washington Post. Finalement, après 3 mois de réflexion, les 2 journaux décident de répondre aux exigences du La Bomber avec le soutien du FBI, de la procureure générale Janet Reno et du président des États-Unis Bill Clinton. Mais les citoyens américains, eux, sont partagés. Répondre aux exigences de La Bomber, estiment certains, c'est céder au terrorisme. Je ne crois pas que les journaux avaient besoin de publier le manuscrit de Una Bomber. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Una Bomber ne respecte pas la vie humaine. C'est un personnage irrationnel et nous ne savons pas avec qui nous traitons. Il a dit, si vous publiez, j'arrête les attentats, ce n'est pas un bien grand prix à payer. Je ne crois pas que ça devait être publié. Je crois que c'est la possibilité pour n'importe qui de faire ça, de dire « faites ce que je dis » ou alors... Mardi 5 septembre 1995, le Washington Post, avec le soutien financier du New York Times, ajoute un supplément à son édition du jour. 8 pages grand format, imprimées dans une typographie différente de celle de Quotidien, pour souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'un texte journalistique. Non, il s'agit du manifeste de La Bomber, intitulé « La société industrielle et son avenir ». Il comprend 232 paragraphes numérotés et divisé en chapitres au titre évocateur, psychologie du progressisme moderne, contrôle du comportement humain ou encore la révolution est plus aisée que la réforme. Pour Una Bomber, la technologie ne mène à rien d'autre qu'à la mort de l'humanité, notamment parce qu'elle est incompatible avec la liberté. Le progrès technologique auquel les hommes sont totalement dépendants, écrit l'auteur du manifeste, fait désormais office de force sociale et d'idéologie. Une seule solution pour assurer la sauvegarde de l'humanité, anéantir la société industrielle et technologique par une révolution globale qui concernerait le monde entier. C'est ce que Una Bomber, qui se désigne dans le texte par l'appellation collective FC, explique au paragraphe 130. La technologie avance à grands pas et menace la liberté de multiples façons à la fois. surpopulation, lois et décrets, dépendance accrue des individus vis-à-vis des grandes organisations, techniques de propagande et de manipulation psychologique, recherche génétique, envahissement de la vie privée par les appareils de surveillance et les ordinateurs, etc. Paré à une seule de ces menaces pour la liberté, demanderait dans chaque cas une lutte sociale de longue haleine. La multiplicité des nouvelles atteintes à la liberté et la rapidité avec laquelle elles se produisent submergent ceux qui veulent la défendre. Ils se résignent et abandonnent toute résistance. Il est vain de vouloir combattre chaque menace séparément. On ne peut espérer vaincre qu'en combattant le système technologique dans son entier. Mais il s'agit alors d'une révolution, non d'une réforme. La révolution, c'est ce que FC appelle de ses vœux. Et pour y parvenir, FC, ou Una Bomber, comme vous voulez, a une stratégie. D'abord, promouvoir l'agitation sociale et aggraver l'instabilité de la société industrielle, notamment par des attentats. Une sorte de stratégie de la tension. Puis, dans un second temps, développer et propager une idéologie anti-technologique et anti-industrielle, comme il le fait avec la publication de ce texte. Si Una Bomber tue, c'est donc pour déstabiliser la société et ainsi préparer le terrain à cette révolution qui contraindrait l'humanité à revenir à la nature, l'unique alternative viable à nos modes de vie modernes. Una Bomber revendique le retour à une nature sauvage, celle de l'homme primitif, dans laquelle chacun se fera paysan, berger, pêcheur ou chasseur, pour se nourrir, vivra en petite communauté naturelle, telle que la famille élargie, le village ou la tribu, fonctionnant sur le principe de l'autonomie locale. Des idées qui renvoient à la fois à l'imaginaire du pionnier dans le Grand Ouest américain, à l'exaltation philosophique de la nature, façon Henri David Thoreau, et aux mouvements écologistes radicaux qui se sont développés aux États-Unis dans les années 70. Mais s'il se dit proche des écologistes, Una Bomber est hostile à ce qu'il appelle le progressisme, l'une des manifestations les plus répandues de la folie de notre monde, écrit-il. Un terme qui regroupe pour lui, et je le cite encore, les socialistes, collectivistes, adeptes du politiquement correct, féministes, homosexuels, défenseurs des droits des animaux, et ainsi de suite. Autant de gauchistes, selon ses mots, qui se prétendent rebelles, mais qui n'ont pas la force d'agir. Pour Una Bomber, soutenir les faibles, à savoir les femmes, les homosexuels, les indiens, ce serait masquer sa propre faiblesse. Car si l'auteur de La société industrielle et son avenir célèbre la nature, il semble aussi exalter la force, éventuellement nécessaire à la révolution dont il rêve, et qualité sine qua non de la survie en milieu naturel. Lorsque la société industrielle s'écroulera, il le reconnaît, certains souffriront, certains mourront, mais les hommes ne souffrent-ils pas? Ne meurt-il pas déjà, questionne-t-il. Quant aux conséquences négatives de l'élimination de la société industrielle, eh bien, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour obtenir une chose, il faut savoir en sacrifier une autre. De toute façon, nous devons tous mourir un jour. Et il peut être préférable de mourir en combattant pour survivre ou pour une cause que d'avoir une existence, certes longue, mais vide et sans but. Au milieu des années 90, tandis que la majeure partie des États-Unis réprouve l'idéologie technophobe de la Bomber, il devient paradoxalement une sorte d'icône pop, un peu vengeur masqué, un peu révolutionnaire romantique. Sur les campus universitaires, à l'été 95, on aperçoit même des t-shirts à son effigie, son portrait robot et l'inscription « I've got your package ». « J'ai ton courrier », en référence bien sûr au colis piégé que le terroriste envoie depuis près de 17 ans à ceux qu'il juge responsables de la débâcle du monde. Des colis qui, rappelons-le, ont fait 23 blessés, 3 morts tout de même. Plus de 2 millions d'Américains achètent le supplément publié conjointement par le Washington Post et le New York Times en septembre 1995. Pour le FBI, qui traque sans succès Una Bomber depuis 1978, ses lecteurs sont autant de pistes potentielles. Quelqu'un, espère-t-il, reconnaîtra peut-être des tournures de phrases, des tics de langage, des idées. Et cette stratégie va rapidement faire ses preuves. Dans les jours qui suivent la publication de la société industrielle et son avenir, en effet, des milliers de personnes appellent le numéro vert mis en place par le bureau fédéral. Et ça, pour Ida Bomber, c'est le début de la fin. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Janvier 1996, un homme, David Kaczynski, contacte les enquêteurs en charge de l'affaire Ida Bomber. Installé à Chicago, il affirme avoir retrouvé dans le grenier de sa mère des textes très similaires au manifeste que le Washington Post et le New York Times ont accepté de publier en septembre 1995. Ces documents, explique le témoin au FBI, ont été rédigés par son propre frère, qu'il a perdu de vue depuis plusieurs années, un certain Theodore Kaczynski. Le parcours du suspect colle parfaitement à ce que les enquêteurs savent déjà de la bombeur. Théodore est donc placé sous haute surveillance, chez lui, dans une forêt du Montana. Et le 3 avril 1996, il est arrêté, comme l'annonce le journaliste Pierre-Yves Dugas sur France Inter. Hello, anybody in there? This is the Forestry Service. We're doing a line survey. We think this property might be on National Forest land. Le suspect, âgé de 53 ans, nommé Theodore Kaczynski, a été arrêté hier par les agents du FBI dans la cabane où il séjournait, dans un endroit très isolé du Montana. Pendant ce temps, le FBI fouille son domicile à la recherche de matériaux utilisés pour confectionner des colis piégés que Ida Bomber a envoyés à des dizaines de victimes, apparemment visées pour leur rôle professionnel dans les progrès de la technologie moderne. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Inter. L'image fait le tour des télés du monde entier. Deux agents fédéraux entourent un homme aux cheveux longs et à la barbe hirsute, apparemment pas très propre. Mi-ours, mi-clochard, écrit alors la journaliste Sylvie Kaufmann dans les pages du Monde. L'une des traques les plus longues et peut-être la plus chère menée par le FBI se termine ainsi, parmi les sapins immenses du Montana. C'est là, dans une petite cabane isolée de 3 mètres sur 3, sans eau courante ni électricité, que vit Theodore Kaczynski, 53 ans depuis le début des années 70. Dans les villages de Lincoln, bientôt envahis par les caméras de télé, on le décrit comme un ermite qui ne sortait de sa forêt que pour se rendre à la bibliothèque municipale. Ted, comme l'appellent les villageois, cultivait son potager, faisait son propre pain et chassait pour se nourrir. Un marginal, certes, concède-t-on à Lincoln, mais pas plus étrange que les autres originaux du coin, anciens combattants du Vietnam et ex-mineurs, par exemple, qui peuplent les immenses montagnes du Montana. Personne n'aurait jamais imaginé que cet homme grisonnant et si discret puisse être en réalité l'un des criminels les plus recherchés des États-Unis, Una Bomber, et qu'il ait été par le passé professeur de mathématiques à l'université de Berkeley. 0 de x oméga x sur k, L est égal à 0. Dans la cabane en rondin de bois que Théodore Kaczynski a construite de ses mains, le FBI saisit 720 pièces à conviction avant de l'inculper pour confection d'engins explosifs. Les enquêteurs retrouvent notamment des produits chimiques, des instructions concernant la fabrication de bombes, mais aussi une machine à écrire, ainsi que des lettres. En comparant les documents fournis par le frère de l'accusé au manifeste publié dans la presse, les experts en criminolinguistique établissent que Théodore Kaczynski est bien l'auteur de la société industrielle et son avenir. Son journal intime, écrit dans un langage crypté, livrera par la suite bien d'autres vérités. En voici quelques extraits parlants. Je me sens mieux depuis que je commets ces crimes. Je suis toujours très en colère, mais maintenant, je suis capable de me défendre à un certain degré. Je ne me sens plus gêné d'avoir mutilé ce type. J'ai ri à l'idée d'avoir des scrupules de mutiler un pilote d'avion. Je dois préciser que mon mobile est la revanche personnelle. Je ne prétends pas à une quelconque justification morale ou philosophique. Mon objectif est de tuer un scientifique, un gros patron, un fonctionnaire ou apparenté. Ah, j'aimerais aussi tuer un communiste. Et tandis que le FBI s'attelle à réunir les preuves nécessaires, les médias, eux aussi, s'intéressent au passé du criminel, tentant de répondre à la question que le pays tout entier se pose. Comment Kaczynski est-il devenu Una Bomber? Pierre après pierre, témoignage après témoignage, le parcours de l'accusé commence à se dessiner dans les mois qui suivent son arrestation. Né en 1942 dans une famille d'origine polonaise de la banlieue de Chicago, Théodore Kaczynski est un enfant de la classe moyenne. Une famille tranquille dans un quartier tranquille. Mais le petit Ted est différent des autres enfants. Il préfère les revues scientifiques aux BD, excelle à l'école au point de sortir de classe et ne joue jamais ou si peu. Renfermé, timide, il est souvent moqué par ses camarades. À 16 ans, en 1958, il obtient une bourse pour l'université d'Harvard, où il impressionne ses professeurs de maths, sans laisser de souvenirs aux autres étudiants, si ce n'est celui d'un garçon introverti à qui on ne connaissait pas d'amis. Après une excellente thèse doctorale à l'université du Michigan sur les propriétés limites des fonctions et des formes géométriques, il est recruté en 67 comme professeur assistant de mathématiques par la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Mais là comme ailleurs, le tout jeune Théodore Kaczynski ne se sent pas à sa place, ainsi que le raconte l'un des agents chargés de l'enquête. Il n'était pas heureux à cette époque. Il avait apparemment des difficultés, car il était socialement mal à l'aise. Je pense que ça a été un point crucial pour lui dans la façon dont il appréhendait la société. Il a fini par transformer son malaise en volonté de tuer des gens. Il était tellement en colère, d'abord contre lui-même, puis contre la société. Je pense qu'il avait le sentiment d'être une victime. À la fin des années 60, tandis que le jeune professeur de mathématiques traîne sa peine et sa colère sur le campus de Berkeley, la jeunesse américaine est en pleine ébullition. Tout particulièrement en Californie, c'est le temps des hippies, de la contre-culture et de la contestation contre la guerre du Vietnam. Mais Ted Kaczynski, lui, regarde tout cela de loin. À la fin de l'année scolaire 69, il démissionne de son poste de professeur sans donner d'explication, avant d'aller s'installer dans une cabane en forêt, là où il sera arrêté 2 décennies plus tard. Cette même cabane que ses avocats vont faire démonter, déplacer à la cour de Sacramento en Californie, à l'occasion de l'ouverture du procès de la bombe, le 4 janvier 1998, comme en témoigne l'envoyé spécial de France 2, Philippe Gasson. L'accusation va s'employer à démontrer que cet homme, Théodore Kaczynski, qui se présente devant la justice de Sacramento, est bien Una Bomber, que c'est bien lui, il y a 18 ans, qui qui envoyait son premier colis piégé, suivi de 15 autres. Au total, 3 personnes ont été tuées et 23 autres blessées. Il risque la peine de mort. Le dossier de l'accusation est épais, les preuves accumulées contre l'accusé accablantes. Dans la cabane en planche où il était terré, ses écrits ne laissent pas de doute. La machine à écrire est la même. Il y a tous les détails consignés sur les colis piégés envoyés. Le mathématicien n'a rien oublié, pas même une bombe prête à exploser. Afin d'apitoyer les jurés, 4 hommes et 8 femmes, sur les conditions d'existence du prévenu, la cabane du Montana a été transportée jusqu'à Sacramento. Une façon de lui donner une toute petite chance. Montrer aux 12 jurés la cabane de 10 mètres carrés où Théodore Kaczynski a vécu seul pendant les 25 ans de sa vie, c'est une façon pour les avocats de la défense de prouver que leur client n'est pas responsable de ses actes et ainsi lui éviter la peine de mort. Ses défenseurs entendent plaider non coupable sur la base d'expertises psychiatriques établissant que Théodore Kaczynski est atteint d'une forme de schizophrénie paranoïaque qui réduit ses capacités mentales. L'homme qui se cache derrière une avant-bord, dit ses avocats, est cliniquement incapable de distinguer le bien du mal. En un mot, il est fou. Mais la tâche de la défense s'annonce plus difficile que prévu. Car le premier jour du procès, l'accusé demande à se défendre seul et récuse le diagnostic des psychiatres. Celui qui a tué 3 personnes au nom de son idéologie anti-technologie ne peut accepter qu'on lui retire la paternité de ses actes. Il n'est pas fou, il a agi en toute conscience, au nom de ses idées. Mais le juge Garland Barrell refuse la requête de l'accusé. L'ancien professeur de mathématiques va alors virer de bord et totalement changer de stratégie, comme l'annonce à la presse le procureur fédéral et le frère de Théodore Kaczynski. Le ministère de la Justice vient d'accepter que Théodore Kaczynski plaide coupable pour une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La carrière d'Una Bomber est finie. Je parle au nom de ma mère Wanda, de ma femme et de tous nos proches. Nous sommes profondément soulagés par l'accord de plaidoyer qui a été trouvé aujourd'hui. Nous pensons que c'est une solution appropriée, juste et civilisé à cette tragédie et à la maladie mentale diagnostiquée de Ted. Théodore Kaczynski plaide donc finalement coupable, le procureur acceptant en échange de ne plus requérir la peine de mort contre lui. Pour autant, l'accusé ne parvient pas à faire du tribunal de Sacramento une caisse de résonance politique, comme il le souhaitait tant. Au cours des 2 mois d'audience, en effet, ses textes sont très peu discutés, mis de côté par la question de son éventuelle folie. Pour l'accusation, le manifeste de Théodore Kaczynski ne prouve qu'une chose. L'homme, cet homme-là, qui ne montre aucun remords, est parfaitement capable de raisonner, ainsi que le prouve la construction logique de son argumentaire. Une analyse partagée par le jury. Le 4 mai 1998, Théodore Kaczynski, surnommé par la presse Una Bomber, est condamné à 4 peines de prison à vie et 15 millions de dollars d'amende pour les attentats au colis piégé. Kaczynski ne pourra jamais bénéficier d'une libération conditionnelle et passera donc le reste de sa vie derrière les barreaux. Aujourd'hui incarcéré dans une prison de sécurité maximale du Colorado, celui qui fut surnommé Una Bomber entretient depuis plus de 20 ans d'intenses correspondances avec des inconnus dans le monde entier. S'il ne peut plus tuer désormais, il poursuit sa croisade anti-technologie. Et il est même devenu une sorte de référence, comme le terroriste d'extrême droite Anders Breivik. Lors d'une tuerie de masse, ce Norvégien avait assassiné 77 personnes en juillet 2011, dont 69 adolescents. Dans son manifeste, publié le jour des attaques, Breivik reprend des passages entiers du manifeste de Théodore Kaczynski, en remplaçant les termes progressistes ou gauchistes par marxiste culturel, noir et musulman. Fast. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de la Bomber, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Marie Apostolides. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est parfait, oui. Et merci de m'avoir invité à votre émission. Mais avec plaisir. Vous êtes professeur émérite à l'université Stanford et vous avez été le premier à traduire le manifeste de Théodore Kaczynski, ce qui fait de vous un témoin presque direct. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Kaczynski au point d'en faire la traduction? Au début, c'est le texte lui-même, puisque j'ai commencé à le traduire quelques mois avant qu'il soit arrêté, donc je ne connaissais pas l'auteur. Mmh. Le contenu du texte m'a intéressé, sa structure en paragraphes, et puis surtout cet étrange pacte qu'il faisait avec les journaux. Si vous me publiez, j'arrêterai de tuer. Oui. Ça m'a semblé très étrange, et donc je me suis dit, ce texte mérite d'être connu, il va parler à un certain nombre de lecteurs. En France, je pensais plutôt aux gens de gauche qu'aux gens de droite, d'ailleurs. Et donc, j'ai entrepris la traduction. Et quand Kaczynski a été arrêté, le peu d'informations qu'on avait sur lui m'a immédiatement fait penser que, effectivement, c'était lui qui avait écrit ce texte, que ça correspondait à ce que je pressentais de l'auteur. Mais quand on joint le sang à l'encre, on n'est pas tout à fait dans le message intellectuel et philosophique. Il y a quand même derrière 3 meurtres finalement, 20 de blessés. Vous y pensez? Vous ne connaissez pas l'auteur, mais enfin, avec le recul, vous vous dites, j'ai traduit un texte d'un assassin ou de quelqu'un qui se voulait philosophe. Enfin, c'est ça mélange le sang et l'encre quand même. Il est les deux, et c'est ça qui m'a semblé unique. Je vous précise tout de suite que je ne suis d'accord ni avec les méthodes de Kaczynski, ni avec son idéologie. Je vous soupçonnais pas de cela. Pas du tout. Mais bien sûr. Anti-technologique. Mais bien sûr. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir que un texte intellectuel prenait une force nouvelle quand l'encre était trempée ou mélangée avec le sang. J'ai pensé que c'était important de soulever cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport, quelque part, entre le crime et l'écrit, à un moment où nos écrits, les miens bien sûr, mais ceux de beaucoup d'autres personnes, ont perdu de leur valeur. Kaczynski faisait de sa voix, de sa position, quelque chose d'absolu. Il le faisait en ajoutant un crime. D'un point de vue humain, c'est horrible, bien sûr, mais d'un point de vue philosophique, ça m'a posé quelques questions. D'un point de vue philosophique, il a forcément eu des influences, ce Kaczynski, je sais pas... Guy Debord, Henri David Thoreau. Il m'a semblé proche de Guy Debord, auquel je m'intéressais déjà beaucoup à l'époque. Je ne crois pas qu'il le connaissait. Il a été influencé à la fois par la littérature française, par exemple un de ses textes de référence, c'est Les Misérables de Victor Hugo, mais surtout au point de vue intellectuel, il a été influencé par le philosophe français Jacques Ellul, avec lequel il avait été en correspondance plusieurs fois et qu'il avait lu et en français et en anglais, parce que Théodore parle un petit peu français et le lit à peu près couramment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1996, vous avez été invité sur France Culture, l'invité d'Alain Finkielkraut avec la philosophe Annie Lebrun. Et on va l'écouter, Annie Lebrun, qui explique lors de cette émission ce qui l'intéresse en tant que philosophe, justement, chez Théodore Kaczynski. Comme les uns et les autres l'ont rappelé, tout ça, il y a des choses tout à fait connues. C'est le fait qu'il nous met au bord, il nous met le marché en main. Les gens jusqu'à présent ont réfléchi de façon extrêmement aiguë, extrêmement subtile sur cette société industrielle, sur l'instrumentalisation des êtres auxquels elle mène, mais rarement on a été jusqu'à nous mettre devant l'alternative, est-ce qu'on va continuer ou non ? Il ne s'agit plus de continuer d'analyser. C'est ça que aussi dit Kaczynski, puisque lui est passé à l'acte, puisque cette société industrielle amène la catastrophe. Alors catastrophe pour catastrophe, il faut au moins que nous choisissions notre catastrophe, mais dans le même temps, lui s'est décidé à attaquer, agresser et même éliminer les gens qui lui paraissent les plus significatifs de cette société-là. Vous souvenez de cette émission? Oui. Bon. Oui, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu, vous auriez répondu, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Annie Lebrun? C'est difficile pour moi de parler en son nom. Nos positions, si je me souviens bien, étaient quand même assez différentes l'un avec l'autre. Il me semble que elle était en un sens fascinée par la prise d'action que Théodore avait fait et sa décision de précipiter la catastrophe qui était un de ses thèmes à l'époque de façon à changer le monde. Nos positions étaient différentes. Moi, j'étais plus en recul, plus traditionnel, moins engagé, plus un spectateur que elle qui voyait peut-être, sous réserve de me tromper, dans Kaczynski, un homme d'action. Une envie qui a tenaillé beaucoup d'intellectuels depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'engagement. Rappelez-vous Sartre, l'engagement est une nécessité dans l'existence. Donc, beaucoup d'intellectuels se sont demandé comment s'engager. Et après la chute de l'idéologie communiste, après les révélations du rapport Khrouchtchev, eh bien, il était devenu beaucoup plus difficile ou beaucoup plus épineux de s'engager du côté des communistes. Donc, un certain nombre d'intellectuels ont cherché peut-être une nouvelle voie d'engagement afin d'assumer jusqu'au bout la position d'intellectuel et pas être seulement des analystes. Il me semble que Kaczynski, hier et sans doute encore aujourd'hui, a représenté une voie possible d'engagement qui était moins compromettante ou moins encombrée que la voie gauche traditionnelle de la révolution communiste. Mais est-ce que des colis piégés et le fait de blesser ou de tuer ne rend pas inaudible sa pensée? Parce que c'est là, il est là le cœur du débat. Oui, d'un point de vue moral, oui, je pense comme vous. Mais d'un autre côté, soyons non pas cyniques, mais lucides. D'un autre côté, s'il n'avait pas tué, personne n'aurait jamais lu ni traduit son texte. Il a été traduit dans toutes les langues et il a été lu par des milliers et des milliers de gens. S'il n'avait pas commis ces crimes, personne ne l'aurait lu. Oui, ça je ne dis pas qu'il fallait les commettre. Non, j'ai bien compris. Hein. Vous me comprenez. Mais bien sûr, la morale et politique ne font pas forcément bon ménage. Exactement. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Radiohead qui chante « Climbing of the Walls ». Una Bomber, cet homme étrange dont nous parlons depuis le début de cette émission et depuis quelques minutes avec vous, Jean-Marie Apostolides. Vous nous appelez de Californie, je crois. Hein ? Oui, je suis à Stanford, sur le campus de Stanford. Tout simplement. exactement, c'est au centre de Silicon Valley. Alors, à la lecture du manifeste de Kaczynski, on peut penser, on a le droit, aux survivalistes, par exemple, qui se terrent dans des abris anti-atomiques pour se protéger d'une éventuelle catastrophe naturelle ou d'une crise mondiale. Alors, plus gênant, on sait que son texte a inspiré Anders Breivik, hein, le néo-nazi responsable d'une tuerie de masse en Norvège en 2011. On sait aussi que c'est une référence pour certains groupes dits écofascistes qui mêlent racisme, misogynie, écologie. Est-ce que la pensée d'Una Bomber, c'est tout ça en même temps, cette sorte de syncrétisme ? C'est une question difficile que vous me posez. Désolé. Quand j'ai traduit son texte, ses conséquences étaient absolument imprévisibles. J'ai plutôt vu l'aspect gauchiste, marxiste des idées de Kaczynski. Il était imprévisible pour moi de voir comment les idées de Kaczynski pourraient être récupérées sur la droite, et même une droite ou une extrême droite qui me fait horreur. Mais il y a sans doute quelque chose dans son texte qui fait que, soit à droite, soit à gauche, il peut être récupéré. Néanmoins, si Breivik s'en est servi, c'est qu'il y avait des éléments qui l'appelaient, et ça pose un problème. J'ai pas vraiment de réponse à ça, vous savez. Oui, je comprends, et d'ailleurs, dans mon esprit, il n'y a aucune notion de culpabilité intellectuelle vous concernant. Évidemment, toutes mes questions aucune de mes questions n'est assortie de ce sentiment-là, je voulais vous le dire quand même. Et justement, encore une autre question un peu personnelle, mais débarrassée de toute espèce de préjugés. Vous avez entretenu une correspondance avec Theodor Kaczynski après son arrestation en avril 96. Comment ça s'est passé? Oui. Pourquoi? J'avais traduit son texte. Les avocats de Kaczynski, qui avaient surtout un seul but, qui était d'épargner la peine de mort à leurs clients qui risquaient très très fortement d'être condamnés à mort. Ils essayaient de miser sur la carte, sur le fait que Kaczynski leur semblait déséquilibré. Ils sont venus me trouver un soir à la maison, en me faisant promettre que je ne parlerais à personne de leur visite, et en me disant, il tourne en cage en prison, il est en train de devenir fou, il a besoin d'avoir un contact avec un intellectuel, d'échanger des idées, est-ce que vous accepteriez de lui écrire régulièrement, en sachant qu'évidemment, et ses lettres et les vôtres seront lus par toutes le juge, par la police, etc. Et même mon téléphone a été écouté à l'époque. J'ai dit oui. Donc, on a échangé un certain nombre de lettres, mais très vite, j'ai senti les distances qui nous séparaient. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, Théodore, tu cherches pas à discuter, tu prêches. Et si on n'est pas d'accord avec lui, bah, il se bloquait tout le temps, il était tout le temps sous une espèce de colère. Alors, quand le moment du procès est venu, ses avocats m'ont dit, écoutez, on va arrêter la correspondance en ce moment parce que ça peut nuire au déroulement du procès. Il m'a dit, vous reprendrez votre correspondance quand le jugement sera rendu. D'accord. Et moi, j'ai pris mes distances tout en continuant à m'intéresser à lui de loin, en lisant d'autres textes, des entrevues, et puis surtout, l'université d'Ann Arbor m'a envoyé sa biographie, son autobiographie, qui est extrêmement intéressante, mais qui est vraiment essentielle pour la compréhension du personnage. Merci infiniment, ce sera le mot de la fin, Jean-Marie Apostolides. Merci encore pour votre témoignage et vos éclairages. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, Una Bomber, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.